un peu gras, un peu sec, ça dépend des moments. Voici Guillaume Ruiz. Ça va, les amigos? Oui, oh, toi. Alors, il m'est encore arrivé une sottise. Une sottise? Ah, il m'est arrivé une sottise. Alors, il n'y a pas longtemps, 5h du mat, je sors de boîte avec une amie, comme ça, genre, on était déglingués, mais genre, vraiment sale, quoi. Et je dis à Leïla, viens, on fait quoi? Et Leïla, elle me dit, ouais, nanani, nanana, je sais pas quoi, nouveau dealer, machin, je sais pas quoi, Benoît Magimel, enfin, un truc incohérent. Incohérent, là, comme d'hab. Et je fais, non, tu sais bien ce qu'il en pense, Nagui, jamais de cocaïne après 17h et tout. Elle fait, ouais, t'as raison, il faut penser longévité. Et c'est ça que j'aime bien avec Leïla, elle a un côté tox, mais tu peux la raisonner. Et là, elle me dit, oui, vas-y, gros, viens, j'ai faim, viens, on tape un McDo. Et là, je fais, ouais, Leïla, bien joué et tout. Autant parfois, je comprends pas tes questions, autant là, t'as touché mon cœur. Sauf que sur le chemin du McDo, je me rappelle que ça fait un an que je suis animique, que je suis végétarien. Et pardon, je confonds toujours. Et j'étais vraiment deg. j'avais tellement envie d'un burger. Vraiment, là, je suis rentré chez moi, j'ai mangé un radis. Et franchement, c'est ce qui est arrivé de plus triste en Europe depuis l'attentat sous Baptiston. Vraiment, mais j'ai tenu le coup. Au moins, j'ai tenu le coup. Vous savez qu'un tiers des végétariens, à vous, quand ils sont bourrés, ils mangent de la viande. Un tiers. Ah ouais? Ouais, c'est des gens, mais ils se réveillent. Je crois que c'est vrai. Il y a une étude qui est sortie là-dessus. C'est un tiers des végétariens, à vous, qui ont mangé de la viande bourrée. Et c'est des gens, ils se réveillent et ils sont brisés. Et ils sont dans la honte. Et ils appellent leur mère. Ils font, maman, cette nuit, j'ai craqué. Dis quoi, t'as encore appelé ton ex? Non, j'ai mangé un cheese. Ernesto, pourquoi? Et ça m'a réfléchi. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, vous savez quoi? Les grands oubliés de la gastronomie mondiale, eh bien, c'est notre communauté. Les végétariens alcooliques. Absolument. Absolument. Ah, il y en a pour tout le monde. Ah oui, les intolérants, ceci, je suis allergique aux assiettes plates, et moi je digère pas hyper bien le riz quand il est en grain, tu comprends, enfin tu vois, mais nous, hein, c'est pour ça que je voulais vous profiter de la présence d'Hélène Darroze. Bah oui. Hélène, je sais que les végétariens alcooliques c'est une cause humanitaire, allez, c'est peut-être moins vendeur médiatiquement que le sida ou la mauvaise mine, mais vraiment, il n'y a rien pour nous, Hélène, il n'y a rien, sauver nos fins de nuit, Hélène, créer un truc végétal gras et goûtu, un truc où quand tu sors de boîte déchirée, tu te fais, comment j'ai trop envie du kebab brocoli pistache d'Hélène Darroze, vraiment, oh là là, je vais en mettre partout. Le gras, c'est la vie. Ça pourrait être une belle épreuve de Top Chef en plus, non? Hein, Philippe Etchebès bourré, Jean-François Piège bourré, vous bourré. Et la voix off qui fait, avec leur kebab végétarien, les candidats réussiront-ils à convaincre nos chefs étoilés qui en sont déjà à leur 7e bouteille de pastis? Hein, vraiment? Avec Michel Sarran qui fait, oh, je trouve un petit peu décevant ta saucisse de choux de Bruxelles dans son hot dog revisité. Hier, la mâche, mais il n'y a pas le croquant. Je suis toujours si nul en accent du sud. Je sais, mais ça, il y a un marché à prendre. Hélène, ça existe déjà, les burgers végétariens, ça existe, mais en général, soit c'est des vieux steaks de soja fatigués, là, soit c'est des burgers avec un gros champignon, mais dégueulasse, qui te donne envie de crever dans un panari. Sérieux, ce champignon-là, il goûte comme dans un soulier de Daniel Morin. Et comment je sais que ça a le même goût? Les stagiaires, ça parle, ils parlent entre eux, les stagiaires, et puis les informations reviennent. Sauf que là, dans le Missouri, Burger King, ils ont testé un Whopper. Je vais partir. Ah ouais, un double Whopper. Il y a un Whopper 100% oui. Végétal. Ouais. 100% végétal. Un Whopper du Burger King, leur hamburger avec un faux steak haché. Oui. Un faux steak haché qui imite exactement le goût de la viande, la texture de la viande, l'odeur de la viande et la couleur de la viande. Il y a même une petite vache qui te fait, oui, je vous promets, ça vient de moi. J'ai beaucoup souffert quand on me l'a enlevé. Et vraiment, et ils font ça en collaboration avec une entreprise qui fait des trucs de ouf, vraiment. Genre, ils font des faux ananas avec des pieds de porc et tout, des moules avec du reblochon. Tu dis, mais comment ils font? Et j'adore l'idée de rester végétarien en retrouvant enfin le goût de la viande, quoi, quelque part. Moi, si c'est pas un animal qui est dans le burger, c'est pas très grave. J'ai jamais mangé un hamburger en me disant, ah, on fait moins la valise, c'est qui le patron? C'est Sapiens? Non, je me suis jamais dit ça. Non, le seul problème du Whopper 100%, le seul problème du Whopper 100% végétal, c'est qu'il coûte $1 de plus, quoi. Voilà. Et tu te dis, bah, comme il a le goût de la viande, la texture de la viande, l'odeur de la viande et la couleur de la viande, je crois qu'on peut pas exclure l'hypothèse qu'en fait c'est peut-être vraiment de la viande et qu'ils le font juste payer $1 de plus. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, Hélène. Allez, bonne émission, les amis. Bravo. France Inter, Nagui, la bande originale.